écoute, c'était Joseph Kramer. Je cherche une nana. Voilà. Ça part tout seul. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Gérard? Bah, ça marche pas ton micro? Bah, allume-le. Donc, c'était Je cherche une nana avec Joseph Kramer. Bon, bah, voilà. Donc, et puis, en premier, vous avez écouté les Das Pike avec la virginité. Donc, on va accueillir Julien, 19 ans, de Aix-en-Provence. Bonsoir. Bonsoir. Attends, pour, Alpa, pour l'instant, je t'ai pas sonné, donc tu vas attendre ton tour, s'il te plaît, merci. Bonsoir, Alpha. Charles, tu vas tranquille. Oh, vous calmez, s'il vous plaît, derrière. Merci. Sinon, ça va être en double en entendeur. Salut, Céline, 22 ans de Bordeaux, bonsoir. Salut, Céline. Sarah, 21 ans de Paris, bonsoir. Salut, Sarah. Salut, Gérard. Salut, Sarah. Voilà, merci pour la radio derrière. Merci pour la corne de brume. On va accueillir Alpha 20 ans Paris. Salut Alpha. Salut Alpha. On va accueillir une souris. Bonsoir une souris. Salut la souris. Salut Mika. Salut la souris. Salut Mini. Salut. Oh, on se réveille s'il vous plaît quand je dis bonsoir. Ok, ok. Tunaise, qu'est-ce que c'est que ce cirque Vous savez quoi, on va la refaire. Hein. Donc on recommence tout, mon Gérard. Parce on recommence parce que là, j'ai un problème, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as compris? Non, mais attends, celui-là, c'est le mien normalement. Oh là là, c'est quoi ce cirque là? C'est Gérard. Bon, c'est bon, on se calme. On accueille Julia, 19 ans, d'Aix-en-Provence. Bonsoir. Bonsoir, Julia. Arrête, attendez, s'il vous plaît. Bon, tu te calmes là, s'il te plaît. Non, non, allez, t'arrêtes. Allez, hop. T'arrêtes avec ta caméra. Allez, allez, tu t'en vas. Allez, allez. Tu dégages. Je veux pas le savoir, tu dégages. Allez, tu t'en vas. Non, ah, arrête, merde. Gérard, allez, dépêche-toi. Julia, bonsoir. Bonsoir, bon, refais-la, Gérard. Julia, bonsoir. Bonsoir, Julia. Céline, 22 ans, Bordeaux, bonsoir. Bonsoir, Céline. Salut tout le monde. Salut, Céline. Salut. Sarah. Salut, Sarah. Alpha. Alpha. Ouais. Bonsoir, Alpha. Alpha. Attendez 5 minutes. Gérard a un petit problème technique, donc il est en train un peu de se... Il tente de s'expliquer. Mais t'as l'engagé de mécanicien? Pardon? Mais t'as l'engagé de bricoleur en plus pour Gérard? Tous les talons. Oh là là. Non, c'est pas grave. La souris, bonsoir. Salut la souris. Salut souris. Salut Gérard, bonne fête. Merci. Et Arnaud. Arnaud. Bonsoir Arnaud. C'est quoi ce cire? C'est quoi la chanson? Salut Gérard, ça va? C'est Arnaud. Moi j'ai pas de problème moi. Ouais bah moi j'ai des problèmes. Bonne fête Gérard. Je sais pas. Je sais pas si derrière vous entendez. Ah, moi j'entends, ouais. Ouais, ça va. Ça résonne, compte, ouais. Ça résonne beaucoup, beaucoup, ouais. Gérard, bonne fête. Merci. De rien. C'est Arnaud. D'accord. Ok. Ok. Bon, on va attaquer le deuxième débat. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? J'ai deux voix. Vous avez deux voix. On s'en fout. Ouais, vas-y, continue, je vais essayer de voir le problème. Bon, justement. Donc, Gérard, tu continues le débat, tu présentes ton débat, et pour l'instant, le mécanicien est en train de gérer le problème. Donc, alors, pensez-vous que tous les hommes sont obsédés? Toi, Gérard, non, moi, déjà. Je peux pas. Non, pas moyen de travailler comme ça. Pourquoi t'appelles ça travailler, toi, Pognon? Et là c'est vrai, si t'es pas content, tu dégages, toi. Ça marche, là. Comment? Non, je t'emmerde, vieux pot. Eh ben, dans ces cas-là, si tu m'emmerdes et que tu me bois, eh ben, tu dégages au standard. Allez, hop, bonne nuit. Celui qui fait la mouche, allez, hop, Arnaud. Bonne nuit, Alpha, bonne nuit. Et toi, t'arrêtes avec ta caméra. Alpha et Arnaud, bonne nuit. Allez, hop. Hop, dégagez. Voilà, ça va aller plus vite. Arrête. Bon, t'arrêtes avec ta caméra maintenant. Donc, je vous explique, le caméraman. Donc, bon, t'arrêtes, s'il te plaît. Un espèce de suivi de Gérard. Et là, Gérard s'énerve. Gérard prend la trousse de maquillage. Gérard prend la bombe de gel. Et t'arrêtes, je refais comme la semaine dernière. Gérard? Il a eu le caméraman. Alors maintenant, je repose la première question. Gérard, pourquoi tu me tires? Parce que pour l'instant, vous fermez vos gueules quand je pose les questions. Il n'a pas à me la mettre dans la gueule. Elle me parle pas comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Ouais, mais tu me dis pas ferme ta gueule, c'est tout. Bon, si t'es pas content, tu dégages. Non, je dégage pas. Non, il dégage pas. Écoute, il a rien fait pour l'instant. T'as même pas fait la première question. Va pas dégager. C'est lui la première question. Et puis, alors, t'es agacé à cause du caméraman. Il dit plus rien. C'est pas de ma faute si t'es pas photogénique. Attends, si je suis pas photogénique. Cameroun, c'est là. Bon, allez, accouche. Bonjour, c'est pas ta danseuse, pose ta question. Pensez-vous que tous les hommes sont obsédés? Non, juste toi. C'est la petite souris? Ouais, c'est tout. Alors, moi je pense que non. Mais non, il y a juste Gérard qui est un obsédé. Pour la simple et bonne raison que bon, on peut pas les mettre tous dans le même panier. Mmh. Hein? C'est comme dans la vie, il y a des bons, il y a des moins bons, quoi. Mmh. Et il faut se dire une chose, c'est que, bon, de toute manière, l'homme, a des instincts, des fois, animaux. Mmh. Des instincts animaux. Ouais. Ah, celui qui rote, tu te calmes, parce que tout à l'heure, tu vas retourner au standard. Vite fait, bien fait. Oui. Ah non, mais ça va pas recommencer, là. J'ai même envie de péter, alors. Non, mais arrête, s'il te plaît. Dis-le. Je veux pas le savoir, tu retournes au standard. Bon, allez, moi, j'arrête. Tu pourrais t'occuper un peu de nous? Oh, il y a de nous faire merde. Moi, je vous propose qu'on lance le débat. T'arrêtes avec ta caméra maintenant. Non, mais tu vires là. Là, c'est terminé, c'est tous les jeudis que tu me fais le même coup, maintenant je veux plus. Je crois que c'est ça. Non, tu vois, il y a un problème avec le caméraman, on vous explique. Non! Puis il y a un moustique dans la pièce en plus. Voilà. Non! Il y a un gros moustique, hein. Bon, moi j'arrête. Non, mais je continuerai. Mais Gérard, on n'y peut rien. Il y a des mouches. Non, mais je veux pas le savoir, il fait exprès. Alors, il dégage avec la caméra, c'est tout. Mais je sais pas, il y a un problème. Non, mais il arrête avec sa caméra maintenant. Je vais pas la prendre toute la semaine dans la gueule. Bah, tu la prends une fois par semaine. Ah, là, c'est pas toute la semaine. Non, mais même, c'est tous les jeudis. Oh, écoute, c'est pour tout le monde pareil. C'est tous les jeudis et c'est même à la loco. Alors, faut quand même pas déconner. Alors, tu vires la caméra. Non, j'en veux pas, tu la mets là, ailleurs. Hein? Non, Gérard, tu remets ton casque, il y a des gens on qui veulent te... On continue, Gérard. Alors, allô? Bon, alors, on en était où, Gérard? C'était à savoir si tous les hommes sont des obsédés. Ouais. Non. Ah. Aucun. Juste l'exception. L'animal, quoi. L'animal. Bon, on va commencer par... Par Gérard. On va commencer par Julia. Oui, Gérard. Oui, moi, je suis obsédée par toi, d'ailleurs. Ça me pose beaucoup de problèmes dans ma vie sentimentale. On voit que tu l'as pas vu, hein. Ça m'arrive parfois, quand je suis avec mon copain, de crier « Oui, Gérard », je vais faire son prénom, tu vois. D'accord. Donc, mais Julia, je vais te dire une chose, que j'ai reçu ton courrier, et apparemment... ce que j'ai reçu, t'aurais pu me laisser ton adresse, je t'aurais répondu, donc je te dis merci pour ton courrier. Mais non, mais parce que moi je voulais que tu me reprennes à l'antenne. Non, mais attends, je vais te reprendre en antenne tout à l'heure. Ouais, ok, non, on verra. Moi, je veux pas te parler en antenne. Bon, justement. Un poème d'abord. C'est quoi ce poème? Non, les poèmes, c'est pas. Il est hors de question que je fasse des poèmes maintenant. Donc, bon, alors pas d'antenne alors. Calme. Bon, tu veux pas d'antenne dans ces cas-là? Dans ces cas-là, c'est même plus la peine de m'écrire. Bon, c'est pas voilà. Ok. Bon, Céline. Et je t'ai mis un timbre bonne fête, Gérard, c'est dégueulasse. Céline. Oui. Alors, je trouve que, non, tous les hommes sont pas obsédés, mais il y en a quand même beaucoup. Ouais, genre Gérard. Les femmes, en fait. Les hommes sont beaucoup plus obsédés que les femmes. La question sur les hommes ou les femmes sont-ils obsédés, on va y revenir. D'accord. Tu revenais à la première question. Gérard, on est à preuve vivante. Et Gérard. Oui, c'est qui? Céline. Oui, Céline. Tu es obsédé, toi? Non, pas du tout. Si, c'est un vieux porc, lui. Alors, attends, tu sais ce qu'il dit, le vieux porc? T'es un vieux cochon qui pense qu'à se demiser les gars dans les chiottes de la loco. Alors, tu dégages. Et bonne nuit. Mais c'est quoi, cette merde, là? C'est le bruit que Christine, elle fait quand tu l'encules. Bon, alors, Arnaud et Philippe. Mais c'est quoi, ce bordel, là? Je sais pas, moi. C'est Christine. C'est quoi ce cirque? Christine Casserègle. Je sais pas. Bon, alors, Alpha Arnaud, bonne nuit. C'est Arnaud, j'ai rien dit. Alpha Arnaud, bonne nuit, je... Arrête, Christine. Mais qui c'est qui est en train de faire le con, là? Tu me les viens, je veux que des nanas pour l'instant. Non, attends Gérard, tu vas prendre comme tout le monde, là tu as 4 nanas et 2 mecs, donc tu fais. Non, mais moi avec les mecs, c'est même pas la peine de faire. Gérard, tu te braques toujours sur les mecs. Sarah. Oui. Enculé, va. Ouais, enculé toi-même, et connard. Non, arrêtez, soyez sympa, laissez. Voilà, allez. Ok, t'as raison. Ok. Bon, okay, alors Sarah. Oui. Ok. Ouais, ok, Gérard. Ok, moi, t'es super. Ok. Gérard, mais tu peux pas la fermer, ta grande gueule, 5 minutes. Si t'es pas content, culot, bois de boulogne, pas connard. Sarah, Gérard, la censure attend. Ta gueule. Et vous commencez à me les casser les mecs hein. Bah t'as rien, qu'est-ce que tu veux qu'on casse? Ta gueule connard. Bon Sarah. Ta gueule connard. On a toujours pas avancé dans le débat, Gérard. Non, mais pour l'instant, si les deux mecs pouvaient fermer leur gueule quand je pose la question aux nanas, ça me ferait bien plaisir. Les deux mecs ferment leur gueule. Ok. Alors, Sarah, s'il te plaît. Oui, Gérard. Alors, quelle est la question? Pensez-vous que tous les hommes sont obsédés? Non. Bon, pour l'instant, Arnaud et Alpha, vous voulez fermer. Je pose la question à Sarah. Non, Sarah, s'il te plaît, tu te réveilles ou sinon tu vas aller au standard. Moi, je veux bien réveiller, mais alors laisse-moi parler. Écoute-moi quand standard, tu veux. Standard, Gérard. Sera, d'accord. Et plus vite et ce sera mieux, je pense. Alors, je t'écoute. Tu m'écoutes? Oui. Merci. Non, moi, je veux dire, les hommes ne sont pas tous des obsédés. Mais le mec qui n'est pas obsédé, il a un problème, tu vois, quand même, un peu. Il en faut un petit peu. D'accord. Mais obsédé par quoi, au juste? Par le cul. Ah, bon. Eh, qui c'est qui vous parle de cul? Bah, c'est toi, gros pervers. Attends, je t'emmerde, toi, connard. Là, ça va bien. J'ai fait de la loco, ça y est, mortel. Oh là. Et Arnaud, tu dégages. Là, j'ai reconnu ton voix, tu dégages, Arnaud. Arnaud, tu dégages. Arnaud, tu dégages, tu fermes ta gueule, tu dégages maintenant. Gérard, c'est Alpha, je voudrais m'excuser. Arnaud, non, mais je veux pas le savoir, tu dégages. Allez hop, zou. Tu le fais, ça. Gérard, il y a une question sur Minitel. Voilà. Est-ce que la perversité ne serait-elle pas tout simplement la prolongation de la gente féminine selon laquelle l'hétérosexualité se répandrait? Absolument. Qu'est-ce que c'est que cette question, bidon? Je sais pas, écoute, c'est sûrement possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bah écoute. Mais attends, c'est quoi cette question? La question n'a ni queue ni tête. C'est la pro. Bah si, attends. Mais bien sûr que si. La question n'a ni queue ni tête, je vois pas le rapport. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bah écoute, attends, c'est quoi cette question? La question n'a ni queue ni tête. C'est la pro. Bah si, attends. Mais bien sûr que si. La question n'a ni queue ni tête, je vois pas le rapport avec les hommes obsédés. Va gueule derrière, s'il vous plaît. Il y a une queue, il y a une tête, c'est la prolongation de la gente féminine. Ne serait-elle pas l'hétérosexualité de l'obsession des obsédés? Par rapport au matin et au soir. Ah, je vois pas le rapport. Enfin, bref. Comment? Je vais te laisser, Gérard, je crois. Qui c'est? C'est Alpha, je t'encule. Eh, t'es connerie. Bon, alors Alpha, tu dégages. C'est pas moi, j'ai rien dit. Non, ça va pas si vous commencez à dire je t'encule à Gérard, ça va pas là. Gérard, fais-toi respecter. Non, bon, là, t'arrêtes là, s'il te plaît, maintenant c'est terminé. Gérard, c'est Alpha, je t'emmerde. Eh ben alors Alpha, tu dégages. Arnette, t'inquiète, Max arrive à la rescousse. Bon, Gérard, tu reprends le débat là. Bon, alors, la deuxième question. À quoi reconnaît-on un homme obsédé? Arnaud. Bon, il y a la souris. Oui. À quoi reconnaît-on un homme obsédé? Les mecs. À toi, il suffit de regarder. Oh, pour l'instant, les mecs, vous voulez la fermer? Gérard, c'est Arnaud, je pourrais répondre. Non, bah, tu répondras après. Donc, c'est la petite souris. Enculé. Bon, alors, le mot enculé, tu dégages. Arnaud, tu dégages. Allez hop, Arnaud, bonne nuit. C'est Alpha, Arnaud, t'es lourd. Et donc, je vais vous laisser. Arrête, Alpha, c'est trop grillé. Bon, on t'arrête, s'il te plaît. Et Arnaud, t'es lourd. Non, mais il arrête avec la caméra, je l'ai dit tout à l'heure. Arrête avec la caméra, Gérard. Bon, maintenant, c'est terminé. On revient dans le débat ou sinon j'arrête. Voilà, tu reviens dans le débat, allez. Gérard, attendez, laissez Gérard parler. Vas-y, Gérard. Okay. Puisque Gérard ne sait pas se faire respecter. Vas-y, Gérard. Bon, tu dégages avec ta caméra, s'il te plaît. Bon, voilà. Que tu trouves la caméra, Gérard. Bon, c'est alors je. Bon, alors Alpha, tu dégages. Gérard, bon, allez hop, je vais mettre le disque. Allez hop. Non. Le disque, c'est les slips, c'est cher avec slip. Stop. Camille. Gérard, tu remets ton casque. C'est quoi le titre? On n'a pas bien entendu. Gérard, attendez. Gérard, c'est un mousse de la merde. On va mettre un disque, on va se calmer. Gérard, c'est quoi le disque? C'est les slips sont. C'est cher avec strip. Cartel avec. ça que j'avais annoncé. Bah si. Bon. Non mais c'était autre chose là. Ouais bon, enfin bref. On en était donc Gérard. Justement, Gérard, au débat sur les obsédés. Voilà, ah, donc on va réintroduire Julia. Oui. Rebonsoir. Rebonsoir. Céline, rebonsoir. Céline. Re-salut. Sarah. Sarah, rebonsoir. Il est fort le alpha. Oh là, ça commence à m'énerver là avec les mecs. Vous allez commencer par vous calmer. Eh bien, on dit un truc, t'ouvres ta grande gueule. Bah, si t'es pas content, tu dégages. Gérard, Arnaud, c'est Arnette, c'est plus la merde. Mais y'a pas d'Arnette. Si, c'est toi, Arnette. Bon, Alpha. Ta gueule, Alpha. Moi, je suis sûr que c'est Luigi. Alpha. Ouais, vous m'avez pas reconnu. Gérard, c'est Alpha. Bon, allez, Luigi, tu dégages. Bonne nuit. Comme ça, c'est reconnu tout de suite. Hop, la souris, rebonsoir. Gérard, c'est Alpha. Fais un gros doigt dans le cul. Bon, alors, Alpha, tu dégages. C'est pas moi. Alpha, tu dégages, bonsoir. La souris, rebonsoir. Rebonsoir, Gérard. Et pour finir, Arnaud. C'est Arnette, c'est pas merde. Mais non, c'est Alpha. Alpha, je te dis, tu dégages. Gérard, Arnaud, c'est Arnette, c'est pas merde. Bon, bah, si, Arnaud, tu dégages aussi. Mais non, c'est Luigi. Bon, Gérard, c'est pas grave, tu reprends le débat. Gérard, donc, Alpha, je te baise. Vas-y, Gérard. Bon. À quoi reconnaît-on un homme obsédé? Alors, maintenant, pour l'instant, c'est moi qui pose les questions et vous allez vous la permettre. C'est moi qui demande à qui je veux que ça parle. Alors, c'est Julia. Oui. À quoi de répondre? Eh ben, j'en sais rien, il a des yeux grands ouverts, injectés de sang et se regarde. Bah, c'est de vie, du regard, et voilà, c'est ça un homme obsédé. D'accord. Okay. Non, mais c'est pas ça. Non, ben, si tu veux, hein. Je sais pas comment. Non, mais de toute manière, je vous dirai si je suis obsédé ou pas. Bien sûr que c'est obsédé. Donc, Céline. Oh, on sait que tu l'es. Attends, on connaît déjà la réponse à ce moment-là. Céline. Arrête de péter, Gérard. Il y en a qui s'amusent. Bon, allez, Arnaud et Alpha, vous dégagez. Non, moi, j'ai rien fait, Gérard. Non, mais vous dégagez, là, ce coup-là, vous dégagez. Gérard, tu reviens sur le débat, là. Céline. Oui, à son comportement, à la façon de regarder. La façon de parler aussi. Voilà, quoi. D'accord. Sarah. Ah oui. Moi, je pense que ça se voit pas comme ça, en fait. Mais... je pense que c'est ça. Tu le vois pas comme ça, tu le devines pas, le gars qui est obsédé, tu prends un temps pour le voir, quoi, tu vois. Je le montre pas. D'accord. Et la souris. Attends, ça. Oui, vas-y, je t'écoute. Donc c'est la souris, donc bah moi je. Attends, il y a Sarah qui voulait peut-être rajouter quelque chose. Elle voulait rajouter que tu es un pauvre con. Bon, et le pauvre con, tu sais ce qu'il dit, t'emmerdes, tu dégages au standard. Eh bien, c'est Alpha. Non, mais pour l'instant, tu la fermes, c'est pas toi que je m'adresse. Arnaud Dolan. Alpha, pour l'instant, tu te tais, je m'adresse encore à Sarah. Non, mais Arnaud, il fout la merde, son forêt. Faut le sortir. Sarah. Oui. Sarah. Oui, je suis là. Tu voulais répondre. Bah, je viens de te répondre, là, Gérard. D'accord. Bon, la souris. Je repasse le standard, simplement. Bon, bah, ok, tu repasses au standard, alors. Et les mecs, alors? Oui, donc, Gérard, bon, bah, je pense que c'est dans les attitudes qu'ils ont, quoi, envers les femmes, même envers les mecs, parce que de toute manière, on peut être obsédé hommes. C'est clair. C'est clair. Gérard, s'il te plaît, je voudrais que tu te concentres un peu sur l'émission et donc sur les obsédés. Nous accueillons Antoine, puisque Sophie vient de partir parce qu'elle était fatiguée. Antoine, pas de Sophie. Bonsoir, ma testicule. On n'avait pas de Sophie. C'était Sarah. Ouais. Bonsoir, Max, tu les prends au standard, tu les calmes les mecs. Bonsoir, les gars. Donc, tu me calmes les mecs et tu me calmes la caméra. Bonsoir, sinon, je laisse le débat. Bonsoir, non, mais ouais, tu me prends les mecs. Eh ben, nous, on va faire le débat, voilà. Et tu me calmes la caméra. Bonsoir, c'est clair ou sinon, je laisse tout tomber là maintenant. Bonsoir, Gérard. Ça y est, Gérard est dans le couloir. Gérard est parti. Bonsoir Gérard, Gérard est parti, voilà. Ça va, Philippe ? Non, Gérard ! Gérard ! Gérard, reviens, allez ! Ah oui, je sais pas qu'il y a Arnaud dans les débats. Gérard ! J'ai même pas parlé, j'ai cassé ça. Mais Arnaud, tranquille, attention, Antoine, débat. Mais Antoine, tranquille. Ah oui, tranquille, ça va, Arnaud ? Bon, c'est Max, on essaie de faire venir Gérard. Alpha, t'étais dans le coma ou quoi ? Ouais. Dégage avec ta caméra! Arnaud, arrête de foutre la merde un peu! Ouais. Il est en déprime, ouais. Alpha! Et là, tu me virales tous les mecs! Non, tu dégages avec ta caméra! Reviens, Cyril, ma couille, reviens! Tu dégages! Gérard, tu reviens là, là tu dégages maintenant! Reviens, ma couille! Non, tu dégages! Attends, il y a ta couille qui voudrait que tu reviennes, ma couille! Non, non, là, tu me virales tous les mecs, je continuerai pas! Non, les mecs! Gérard, Antoine, viens d'arriver, est-ce que je pourrais parler, s'il te plaît? Bon, Gérard, les mecs! Non, non, tu me les vires tous! Non, je vais pas les virer tous, c'est bon! Salut, mec! Non, non, attends! Non, Gérard, je ne les vire pas tous. Non, mais attends, je ne peux pas. C'est pas de débat. Mais bah, t'en fais pas, fais-moi dans le débat. Si vous amusez à prendre les mecs dans les répertoires, c'est plus. J'ai cru reconnaître. Il y a Arnaud, Luigi et Tony. J'ai cru reconnaître David. Et il y a David. Non, il y avait David. Oui, oui. Et bien, dans ces cas-là, c'est pas la peine de faire des débats. Il n'y aurait pas un David par hasard avec vous? Gérard, je voudrais dire une chose. C'est la Saint-Gérard. Non, c'est la Saint-Gérard. Et demain, le loco, je peux dire qu'on va te faire ta fête. C'est ça. Et bien, surtout que je n'ai pas la loco demain. Alors, comme ça, tu ne me feras pas ma fête. Gérard, c'est Antoine. J'aimerais savoir si c'est vrai que quand tu es venu. Ah, personne, mais fais le débat. Ouais, putain, c'est Gérard. Non, non, mais moi, c'est ça. Fais tes débats de plus en plus qu'à tous les 15 jours. J'aimerais savoir, Gérard, c'est Antoine, si c'est vrai que quand tu es venu au monde, ton père a cru que ta mère avait fait une fausse couche. Alors, dans ces cas-là, tu dégages, toi. Antoine, c'est Antoine, est-ce que je pourrais revenir? Bon, la question, Gérard, les questions sur les gens obsédés, puisque là, apparemment, t'as quand même une bonne brochette. Ouais, c'est clair. De connard. Ouais, comme toi. Ouais, deuxième question. Gérard, c'est Antoine, pourquoi est-ce que t'as insulté François sur Europe 1? Tu dégages. Antoine, tu dégages. Gérard, tu reviens sur le débat? Non, mais quand ils vont se calmer, je reviendrai sur le débat. Arrêtez, calmez-vous. Quand les mecs ils vont se calmer, je vais revenir. Gérard, regarde, c'est facile, calmez-vous. Voilà, ça y est, ils sont calmés. Tu vois? Alors, maintenant, êtes-vous obsédé? Donc, c'est moi qui vais avec une ronde aux gens qui répondent et seuls. C'est trop pas toi. D'accord. Je me trompais de prénom. Ok. Avec les autres personnes. D'accord. Donc j'appelais tout le monde Gérard. Mon chien Gérard. Mmh. Ma mère Gérard. Mmh. Mes parents Gérard. Donc tout le monde s'appelait Gérard. D'accord. Ok. Céline ? Non, j'ai obsédé par toi. Bon, ça suffit là ! Allô ? Bon, Gérard ? Oui, je t'écoute, Céline. Oui, disons. Bon, t'arrêtes avec ta caméra ! On est obsédé par celui qu'on aime. D'accord. Ça veut peut-être dire que je l'aime. Allô. Qui c'est qu'on a à la place de Sarah ? Moi, sur Minitel, il y a Yo-Yo qui dit que l'obsession n'est que le reflet d'une pathologie prénatale due à un manque d'amour évident apparu au moment de la contraception. L'obsédé, par conséquent, n'est qu'un homme qui souffre d'un grave manque de tendresse. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard ? Tout à fait. C'est qui a posé cette question sur Minitel ? C'était Yo-Yo. Et il y a Oui qui dit qu'il est obsédé par Christine, lui. Je répondrai pas. Et il y a aussi Cédrico qui dit que les chiottes de la loco sont en obsession à toi. Je répondrai pas non plus là-dessus. Ok, donc on va répondre avec Antoine. Voilà. Donc, qui c'est qui a remplacé Sarah ? Antoine. Antoine. Bonsoir, c'est Antoine. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Sarah. Je vous aime. Je vous aime, les filles. Bon, ouais, c'est bon, tu réponds à la question, s'il te plaît. Je vous aime aussi. Bonsoir, mes souris. Tu réponds à la question. Ouais, pour l'instant, ta souris, la souris, tu la laisses tranquille, d'accord ? Bonsoir, mes souris. Pour l'instant, tu réponds à la question, s'il te plaît, Antoine. Oui, alors, moi, je suis contre la différence d'âge. Non, bah non, dans ce cas-là, si tu comprends pas, allez, hop. Et je pense aussi individus qui n'est pas allé ne devraient pas avoir le même âge, c'est clair. Bon, allez, Luigi, tu dégages, je viens de te reconnaître. Allez, hop, bonne nuit. Bonne nuit. Antoine, pour Luigi, tu repasseras ta chemise à Srapette. C'est presque Luigi, hein. Ouais, ben, tu repasseras demain ta chemise à fait. Arnaud, pas compris celle-là. Tu l'as pas compris, tu veux que je la fasse en couleur? Ouais, c'est bon, bah tu vas aller au standard. Bonne nuit. La souris. La souris au standard. Vous allez demander Céline. Gérard, au standard. C'est des de l'homme qu'on aime. Tout le monde au standard. Oh, vous fermez vos gueules, les mecs, s'il vous plaît, quand je pose une question. Antoine, tu m'as pas répondu. Pourquoi est-ce que t'as insulté François sur Europe 1 dans l'émission de la Bon, alors Antoine, tu dégages. Et je cite, Antoine, tu dégages. Antoine, tu dégages. Ah, c'est bon, mais attends, mais Gérard, c'est bon. Antoine, il est parti, donc t'arrêtes maintenant aussi ta journée sur lui. Maintenant, tu continues. Alors, la souris, pour finir à la question. Oui, donc la souris, elle a répondu. Au standard. Que c'est lui qu'on veut posséder de l'homme qu'on aime. Tout le monde au standard, vous allez voir. Bon, allons tous au standard, qu'on en finisse. Je sens que dans 3 minutes, si ça continue, je vais pas faire les 10 questions. Bon, on va passer. Qui peut répondre? Qui c'est qui veut répondre là? Alpha, Arnaud. Ouais, vas-y, Arnaud. C'est bizarre, j'avais dit qu'Alpha, il dégageait, il est encore là, lui. Merde, il est con. C'est peut-être un autre, Arnaud, je t'écoute. Ouais, j'ai pas très bien compris la question. Si t'as pas compris la question. Gérard, écoute-moi. C'est pas parce que j'ai mal compris une question, tout le monde gueulait. Tu peux répéter, s'il te plaît? Bon, êtes-vous obsédé? La question, c'est êtes-vous obsédé? Ok, j'ai compris. Alors, Et mon obsession, c'est l'attente patiente. Vendredi soir à la loco, quoi. D'accord. Eh ben, quand tu me verras, tu vas faire tout. On a les photos. De quoi? Qui c'est qui a les photos? Alpha, moi. J'ai les photos. Qui? Antoine, Alpha. Alpha, tu dégages. Ça t'apprendra à vouloir. Je veux ta grande gueule. Gérard, Antoine, j'ai le film en Super 8. C'est ça. Tu vends combien ton film en Super 8? Bah, je te le vends 200 balles et aussi. Oh, vous la fermez, s'il vous plaît! Les obsédés, donc justement, nous en étions encore où, Gérard? Les hommes sont-ils obsédés plus que les femmes? Julia. Non, je pense pas. Je pense que les hommes et les femmes sont autant. Attends, Julia. 5 minutes, s'il te plaît. Oh, 5 minutes, c'est long. Tu me prends. Arnaud, Alpha. Tu me les prends et tu leur demandes qu'ils restent un peu plus polis. Oh non. Hein? Donc, Julia. Non, moi je pense que les hommes et les femmes sont aussi obsédés les uns que les autres, même si ça se passe, l'avouer. Oui, moi je pense donc, pareil. Ouais, voilà, je suis obsédée, voilà, et toi tu es obsédée, et nous sommes tous des obsédés. D'accord. Julie, Céline. Oui, pareil, exactement, on est tous obsédés. Même chose. Et la souris? Bah, du même avis que Julia et Céline. Bah, d'accord, toi. C'est parfait, hein. Gérard, c'est Antoine, là, que j'aime répondre. Comment? Gérard, c'est Antoine, est-ce que je pourrais répondre? Bah, vas-y. Alors? Bah, tu travailles, s'il te plaît, ou sinon tu dégages. Bon, moi, je pense que les hommes sont plus obsédés que les femmes, moi aussi. Mais dans ton cas, parce que je vais te dire une chose. Ouais. Comment ça se fait que t'es 35 pieds? Bon, allez, c'est bon. Allez, hop. Les mecs, là, tu me les dégages, je les veux plus. Le problème étant, Gérard, c'est que les personnes qui chantent les poèmes de Gégé ne se sont pas des mecs. Non, mais c'est ni les nanas parce que. Y a aucune des mecs qui peut les avoir. Donc, ça peut être qu'Antoine, Alpa ou Arnaud. Et ça, c'est, ça peut être que. On a que qui peut avoir quoi? Bon, Gérard, donc les obsédés. Bon, Gérard, il y a. Bon Gérard, t'enchaînes parce que tu commences à nous saouler, pauvre taré. Gérard, c'est Patrick, je peux répondre? Gérard, c'est Marcel, il n'y a pas de conclusion. Gérard, c'est Patrick, est-ce que je peux répondre à la question? Numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la numéro 4 maintenant. Conclusion. Mais pas la conclusion. On n'est pas dans la station. Tu deviens carrément fonctionnaire, Gérard. Attends, il est 3h, t'arrêtes. Toi, ça y est, 3h, pile, pile poil, ça y est. Eh ben t'as qu'à te faire respecter, c'est pas trop dur. Qu'est-ce qui se passe Gérard? Mais Gérard, remets ton casque. La caméra, on est pas dans la maison. Il a une voix bizarre Gérard, qu'est-ce qui se passe Gérard? Gérard, est-ce que tu pourrais baisser ton froc? Quelqu'un dans la manne pourrait faire un gros plan sur... Gérard, ça t'emmerderait? Et attention, parce que là, carrément, il va se battre. Et donc là, il est encore parti pour la troisième fois. Attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a Gérard qui est parti. La station mère, qu'est-ce qui se passe? Gérard, il est où? Il est vendeur? Faut dire qu'il avait vraiment une voix bizarre. Eh ben, lui, je peux remplacer Gérard. Ouais, bah, remplace Gérard alors. Allô? Ouais. Tu auras pas le standard? Le standard. T'aurais pas un pin sur la radio? Attends, tu bouges pas parce que là. T'as répondu à ce connard pour mettre sur GT Turbo. Bon alors, je veux pas le savoir. Au standard. Au standard. Alors tu la fermes. Oh, il y a pas dans la face, au mire. Alpha, tu la fermes. Je veux pas le savoir. Et en fait, t'es un fou la merde. Il se fait tard là. Troisième question. Allô, la station Mire, est-ce que tout va bien? Allô, allô, est-ce qu'on m'entend, c'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Non, non, il arrête. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, bah attends, qu'est-ce que tu fais? Attends, professionnel quand même. Non, non, mais il arrête. Bah attends, non, mais attention. Attention. Il arrête avec sa caméra maintenant. D'accord, c'est tout qu'est-ce qu'il fait. La caméra au standard, la caméra au standard. Là, là, c'est Max, je suis dans les couloirs, je suis allé le récupérer. Alors j'ai pris le micro-casque. Ah, Gérard, calme-toi. La caméra. Gérard. Dégage avec la caméra. La caméra au standard. Il... Comment il s'énerve. Bon, arrête. La caméra au standard. Donc là, il est parti. Ras-le-bol. Tu crois que Gérard est énervé un peu. Gérard est un petit peu énervé. Allez, viens, on y va, on y retourne, Gérard. Non, mais il va sortir, il reste dehors. Non, il reste dehors, il reste dehors. Allez, dépêche-toi. Continue pas avec la bande de. Il veut pas continuer avec la bande de tarés. Mais c'est lui le taré. C'est toi. Arrête, Cyril. Gérard, allez, on y va. Allez, tu te calmes. Arrête, Gérard. Il s'excuse. Alpha et Ardo au standard. Gérard, reviens, dépêche-toi. Il y a au moins le respect pour les auditeurs, quoi. Tu dégages avec ta caméra. C'est vrai que le standard s'excuse. Les auditeurs. Tu dégages avec ta caméra. Est-ce que je pourrais répondre sérieusement? C'est Antoine, il n'a pas m'énervé. Il n'entend pas. Gérard qui revient. Non, mais moi je veux plus dans Taisez-vous parce que Gérard revient en studio. Bon, attendez. Gérard revient au standard. Couplez l'antenne. Couplez. Attends, s'il te plaît. Tu vires. Deux secondes, je vais lui parler. Gérard, je vais te parler. Alors viens, je vais te parler. Attends. Viens. Bon. Pas trop près, s'il te plaît. Allez, vire. Deux secondes, recule un peu. Dégage. Enlève-moi les autres de l'antenne. Voilà, ça y est. On va discuter un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est inadmissible de travailler comme ça avec la caméra. Je vais mettre un disque, hein. Ouais, mets un disque. Je mets un disque. C'est inadmissible. Non, je travaille pas avec la caméra ni avec les mêmes. Tu t'approches pas. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est terminé, j'arrête le débat. Attends, je te dis un truc. Arrête! C'est la merde. Arrête! Il a mis un disque de toute façon. Reviens. Gérard, reviens. Gérard. Hein? Recule, pas trop près. Non, mais même j'en veux pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Non, mais on arrête. Pourquoi? Je suis conclusion et c'est tout, j'arrête. On arrête maintenant. Je retourne à l'antenne là quand même là. Je reprends, mais moi je le veux pas dans les studios. Qui? C'est tout. Et pourquoi? Une caméra dans les studios. Non, mais attends, on a le droit quand même, il faut c'est pour ça. Ouais, il me la met dans la gueule sans arrêt. Non, je suis pas d'accord. Le il a été voir dans la mallette et dès il recommence. Ouais. Alors, hors de question maintenant. Ouais. C'est terminé. C'est quoi le débat de. Tu fais. Non, mais on va continuer sur les obsédés, mais tu vires les mecs. Attends. Des nanas? Pourquoi faire? Y a pas, elles sont parties. Que des nanas. C'est pas vu. Deux minutes sur le disque. Bon, deux minutes. Bon, ok. Excuse-moi. Alors, c'est quoi ce bordel là? Pourquoi tu gueules? Non, mais Cyril, sois un peu moins chat avec ta caméra aussi. Y'a plus rien. Non, Cyril, t'abuses. Gérard, faut revenir au studio là. Non, mais même. Demain matin. Ah bah ouais. Les gars, faut rentrer dans l'antenne avec ça. Fais gaffe, ça fait un. Non, tu viens. Attends, on fait plus de caméra. Non, mais attends, tu te fous de ma gueule là. Non, mais c'est normal là. On est... bon, attends, alors. Mais il reste une minute si tu veux fumer. Allez. Je sais pas, tu. Non, tu dégages avec la caméra. Bon, alors on fait comment là à la fin du débat? On fait quoi à la fin du débat? Quoi? On fait quoi à la fin du débat? Le disque est terminé. Dégage. Mets ton casque. Gérard. Allez, c'est parti. Mets ton casque, Jérôme. Et tu dis bonsoir aux autres. J'appelle pour le débat. Hein. Alors, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, vous allez écouter la question et vous allez. Bonjour aux autres. Qui c'est qu'on a à la place de Céline? Personne. Personne, c'est bien. Question numéro 6. Non, on va passer à la question. Je peux répondre? Te fous pas de ma gueule, pas cette heure, tu as dégagé vite fait. Je sens que tu as dégagé vite fait, bien fait, toi. Super. Alors, les femmes. Julien, tu poses ta question, s'il te plaît. Alors, les femmes préfèrent. Celle-là, on l'a posée, donc la question numéro 6. 6, 7, maintenant. Il faut mieux être obsédé ou. Ou obsédé. Au cap 7. Au cap 7. C'est parti. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire pareil que obsédé. Alors je pense que par rapport à la question, il paraît d'y répondre. Bon, alors si tu sais pas ce que t'as à dire, tu. Non, je sais ce qu'il faut dire. Alors vas-y. Non, mais j'ai pas compris le deuxième mot, c'est obsédé ou quoi? Ça dépend, c'est obsédé ou non? Ça dépend, c'est plus le matin ou le soir, ça dépend. Parce que bon, le soir c'est plus pareil que le matin, quoi, si tu veux. Bon, d'accord. Non, mais c'est bien la question. Oui. La petite souris. Oui. Eh bien, sans qu'à faire, ni l'agneau, tous les deux veulent dire obsédé, quoi. Voilà, tout à fait. Ah, c'était une question piège. Voilà. Ah, d'accord. Okay. Alors, Gérard, je pourrais. J'étais perdu, alors. On était perdu. Bon, Gérard, tu nous as bien eu, Saligo. Ah, le Saligo. Ah, il est taquin, ce Gérard. Saligo, c'est pas un insulte. Il est joueur. Je tiens à le dire. Bon, on va passer. Je peux répondre. Vas-y. C'est vrai que quand même, par rapport aux fleurs sont plutôt jolies en été. Ça dépend quelle ville. Ouais, d'accord, mais c'est pas du tout le thème de la question. Alors, un homme est-il obsédé? Forcément vulgaire. T'en as un sassomir ou pas? Comment? T'en as un sassomir ou pas du tout? Comment? Non, rien. Non, mais attends, tu réponds à la question, s'il te plaît. Moi, je réponds. S'il te plaît. Elle est Didier, elle est morte? Non, il paraît que tu as fait un. Gérard, t'aurais pas fait du stop sous le pont de l'Alma. Non, non, elle fait une tournée mondiale. Bon, ouais. Elle avait mangé de la tarte aux pommes jeune. Gérard, là, tu me prends ceux qui s'amusent à parler du pont de l'Alma, tout ça. Je veux pas entendre ça à cette heure-ci. Aucun rapport, il y a des obsédés. Qui s'amuse à parler du pont de l'Alma? Alpha. Alors, Alpha, ce n'est pas bien. C'est pas vrai, Internet. Internet, ce n'est pas bien. Ça y est, Gérard. Ça y est, ils sont grondés. Allez, vas-y, Gérard, continue. Bon, alors, Julia. Oui. Donc, je te pose la question. Un homme est. Des bouquins à Deauville. Oh, tu te tais, toi, s'il te plaît. Tu te tais. Est-ce que tu préfères les bouquins à Deauville ou à Trouville? Non, un homme qui est obsédé n'est pas forcément vulgaire parce que ça se voit pas au premier coup d'œil qu'il est obsédé. D'accord. J'aimerais savoir si c'est toi qui te balades en imperméable au bois de Boulogne. Ouais, et qui monte sa chatte à tout le monde. Voilà. Là, je répondrai pas du tout à vos questions pourries. T'as pas envie de dévoiler ta vie privée. Vous arrêtez avec la mouche. Tu la gobes la mouche avec la langue. Gobe-la. Non, Gérard, ferme la porte. Gérard, tu restes là. La caméra, au standard. Gobe-la avec la langue. La mouche est partie, c'est parce que la porte était ouverte. Voilà, la porte ouverte, la mouche. Gérard, une mouche. Elle revient. Ferme la porte. C'est une gap. Tardin. Gérard Chiabaudou, est-ce que tu pourrais poser ta septième question? Gérard, numéro 3. Gérard, qu'est-ce qu'on va faire? Tricher. Tu devrais faire le débat organisé. Non, ben pour l'instant, vous avez Wouter, je vais poser la question. Gérard, oui, mais Gérard. Regarde-le! Gérard, je voudrais te parler poliment. La réponse aux questions comme Gérard Chiabaudou. Alors, la conclusion, comme ça va aller plus vite. Gérard, écoute. Ah non, Gérard. Conclusion. Non. Eh ben, conclusion. Non. Gérard, écoute. Gérard, écoute-moi. Et non, tu la fais pas. Gérard, écoute-moi. Alors, les mecs, vous allez commencer par la fermer. Non, mais écoute, Gérard, une seconde. Tu nous dis tout le temps de la fermer, mais comment veux-tu que ton débat soit organisé si on doit tout le temps la fermer? Et en plus, il triche, il donne la réponse Gérard, question. Ouais. J'ai Baudot, ben. Gérard. Qui c'est qui parle? C'est la souris. Ouais. Je dis, il y en a qui n'ont pas répondu à la question. Ouais, c'est quoi la question? Un homme est petit. Est-ce que les obsédés de toute manière à peu près dans le bon Gérard, ah, tu te fais respecter un peu là. Un homme obsédé est-il forcément vulgaire? Non, je réponds. Il n'est pas forcément vulgaire. Donc sur Minitel, il y a Lily qui dit que la vulgarité n'est que l'apocalypse de l'antenne qui font attention sur l'expression des mecs obsédés. Et c'est vrai, je dirais même plus. Au début, il y avait les dinosaures. Non. Ensuite, il y avait une boule de feu. Mmh. Et les dinosaures, ils sont payés. Non, mais attends, et toi, avec ta boule de feu, tes dinosaures, non, toi, ta conclusion, non, elle est faite, tu dégages. Bonne nuit, au revoir. Et l'extrapolation, Vous commencez à me les gonfler. C'est ce que t'avais suggéré, c'est le pont de l'arrière. Alors, Julia. Vagueule! Bon, allez, tu dégages, là. Là, maintenant, c'est terminé, dehors. C'est terminé. Quoi, j'en dis, on arrête tout. Julia. Conclusion. Regarde derrière, s'il vous plaît. Il est temps de conclure. Bon, allez, tu me reprends tout le monde au standard. Bon, allez, hop, moi, j'arrête. Non, mais Gérard. Non. Tu poses un ultimatum, Gérard. Non, les mecs, maintenant. Tous les mecs là, tu me les reprends. Allez hop. Non, je ne peux pas juger. Je veux pas le savoir, c'est tout le monde dehors. Conclusion. Julia, ta conclusion. Julia, ta conclusion sur le débat. Non, t'as pas posé toutes les questions. Non, mais moi je veux pas le savoir maintenant, ces conclusions, vous me faites chier. Conclusion. Conclusion. Bon, est-ce que quelqu'un voudrait faire le débat à la place de Gérard, là? Bon, Max, tu me prends les mecs. Allô? Non, tu les prends. Je les prends pas, je suis pas pédé, moi. Non, mais tu les calmes. Max ne s'appelle pas Gérard. Non, apparemment, c'est tous ceux qu'on a l'habitude. Gérard, moi, je me connais pas. Hein. Bah, prends-les, toi, Gérard. Ouais, ça, c'est Arnett, Tony, Luigi. Y a pas David? Non, à peine, presque pas. David? Non. Presque pas. Arnett? Non. Salut Gérard. Mmh. Gérard, c'est pas vrai, je t'ai pas envoyé de message sur ton tatou. Non. Mais tu vois, il dit que c'est pas lui. Non, mais c'est pas lui, comme par hasard. Gérard, c'est Tony, pas lui, c'est lui. Oui, il pourrait répondre sérieusement aux questions. Bon, on va continuer le débat parce que ça serait dommage, je fais une question, j'ai les dernières questions sont les plus intéressantes. C'est quoi les questions après? Voilà, on se calme. C'est pensez-vous que le cul est-il obsédé? Non, pour l'instant, c'est pas à vous que je m'adresse, mais. Gérard, c'est Tony. Quand je parle! Mais tu peux pas les mettre dehors, Gérard. Moi, je viens de reprendre le standard. Je sais pas où ils sont. Gérard, c'est Tony. Moi, je pense que ton cul est obstrué ou qu'il est ouais, c'est la merde. C'est pas moi. Julia, ta question. Gérard, ta réponse. Eh ben, écoute, oui, mon cul est obsédé. Voilà. Mmh. D'accord. La souris. C'est bien. Gérard, je suis sur ton cul. Ta gueule. Donc, Gérard, oui. C'est la souris. Mmh. Non, aimer le cul n'est pas forcément si. Absolument. Ah non, tu réponds pas à la question là. Si, elle a mieux répondu que toi à la question. Alors, pour terminer la dixième. Est-ce que je pourrais répondre à la question? Non. Alors, tu te dépêches parce que je suis la dixième. Alors, c'est Tony, moi je pense que ton cul est obstrué. D'accord. Gérard, je pourrais répondre moi aussi. Vas-y. Alors, c'est Arnett. Comme par hasard. Il fout la merde. Il vient d'arriver. Je suis poli. En soirée. Bon, alors, ton cul, oui, est obsédé, surtout dans les toilettes de la loco, ouais. D'accord. Eh ben, on va faire conclusion. On a des photos. Pose la question, Gérard. La question numéro 13. Non, mais il n'y a pas de question numéro 13, c'est... Comment ça? Ben, la question numéro 12. Non, mais c'est... Pensez-vous que le débat... Chapeau d'eau, hein. La numéro 10. Il triche. Il donne les réponses aux questions, en forêt. Oh, le chien bouton de Fun Radio. Vagueule. Je savais bien que c'était ton fils. Olivier Chabaudot. Oh, je suis sur la radio, Autriche, je n'en ai pas répondu aux questions, tout ça. Bon, allez, conclusion. Julia, ta conclusion. Pose-nous des questions, Gérard. On n'est pas allé au fond du problème, là. Merci. Pour moi, si vous avez été au fond du problème. Désolé. On a même été au fin fond de ton cul. Oh, l'autre, pas drôle. On peut pas faire une conclusion sur un truc qu'on n'a pas approfondi. Qui c'est qui parle comme ça, là? C'est tous. Qui c'est qui vient de dire ça, là? Qui c'est qui vient de dire qu'on peut pas faire une. Ta gueule, toi, quand je parle! Ouais, c'est tout le monde. Quand je t'appelle avec ce son, tu ressens pas le tête de Berlin. Va pas enculer, connard! Non, soyez sérieux là. Alors maintenant, Julia, ta conclusion, s'il te plaît. Mais écoute, moi j'ai été vraiment très très déçue ce soir parce que tu as été affreusement vulgaire, t'as pas arrêté de crier. Ouais, je ne t'écrirai plus, Gérard. De toute manière, comme j'ai pas ton adresse, tu pourras plus. Que je pourrais pas te répondre. Feuille de rose. Non, mais feuille de rose, elle est pas là, tu vois. Feuille de rose, elle couche avec moi. Bah, bah, si tu veux. Feuille de rose, je me la prends tous les soirs. Eh ben, c'est bien. Dans ces cas-là, ben, comme vous avez une grande gueule, ben, vous allez faire la conclusion chacun mon tour, les mecs. Gérard, si tu me fais un poème, je veux bien te pardonner. Ça vient, mais je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. Pensez-vous que tout le débat sur... Allô, c'est Sébastien, j'ai pour la belle. Et t'as dit aussi tout à l'heure, t'allais dire si t'étais un obsédé ou pas, Gérard. Ah bah, dans ces cas-là, quand ils vont tous se calmer, et il reste deux nanas au standard, en principe. Bon, toi, déjà, le bois de Boulogne, tu vas, si tu continues, tu vas retourner au standard. Il y a un mec qui est suicidé, merde, sur le bord de la route. Fermez la porte à la mouche. La caméra, au standard. Bon. Non, Gérard, reviens. Gérard, reviens. Ah là, il a fermé, il a claqué la porte. Oh non, on s'en fout, il nous prend la gueule. Oh non, il faut voir la gueule, il est sympa, il est gentil. Mais ça va, il est juste en vous le dire quand même. Oh putain, vous êtes chiés. GG, on a un nouvel auditeur de dernière minute, je te mets à l'antenne. Bonsoir Gérard, c'est Constantonis. Ouais, c'est ça, Luigi. Réfugicule. Bon, pour l'instant, c'est pas à toi que je m'adresse, je vais t'adresser à Julia. À Gaël, s'il te plaît. Oui, Gérard. Julien. Gérard, je peux répondre à la question que tu as posée. Non, de manière, il n'y a plus de questions maintenant. Je vais répondre à certaines questions. Gérard, je te fais 50% sur les Grecs. Bon, allez, vous dégagez, vous me faites chier. Bon, allez. Réponds à ta question, Gérard. Gérard. Gérard, bâtard. Gérard au standard. Ça rime. Mais bah, oui, Gérard, bâtard. Gérard au standard. Ça rime, c'est Gérard, je veux pas le savoir. Alors, Julia. Oui. T'as pas répondu à ma question, Gérard. Tu es obsédé par quoi? À ta dormir. Bon, alors, les mecs, pour l'instant, vous allez vous taire, s'il vous plaît. Ah, ouais, ultimatum. Ok. Ultimatum. Vous allez vous la fermer parce que. Ultimatum. Tintin. Gérard, c'est Constantonis. Ta gueule, toi. Ta gueule, toi, connard. Je suis réfugié. J'aimerais savoir si tu pourrais réfugier chez Henri ce soir. La merde. Bon, allez hop, tu dégages, bonne nuit. Terminé. La souris. La souris, à toi. Oh, t'as pas répondu à ma question, Gérard. Écoute, arrête. La souris. C'est vrai, question numéro 21, elle a pas répondu. Non, mais y'a pas question 21. Alors, Julia, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Merde. Oh. Bon, vous calmez, s'il vous plaît, maintenant. Retourne en bas de Boulogne. Je suis à Bordeaux, là. Gérard, il est parti casser la gueule au caméraman. Bon, chut, tout le monde se calme parce que là il est en train de casser la gueule au caméraman et puis après il faut être gentil avec lui parce qu'il a des trucs et des révélations à faire pour savoir si c'est un obsédé ou pas. Ah, Cyril. Le pauvre Cyril, sur le couple de Sodarion, de Gérard. Je sais pas si vous entendez. C'est ici le caméraman. Le gros pété qui fait sodomiser. Ah, et en plus, elle prend envie, mais. Bon, tu me calmes tous les. Ça y est, c'est bon. Ils sont prêts à t'écouter pour tes révélations, surtout. Voilà. Alors. Attention, révélation de Fun Radio Gérard au standard. Bon, alors déjà, celui qui commence à me prendre la tête sur les questions que je vais répondre, maintenant, ça va aller vite fait. Hein. Ok, super. Bon, Julia, ta question, parce que j'ai pas eu le temps d'y répondre. Alors, pourquoi Gérard, Question pour Gérard. On est tous là pour s'éclater, pour s'endormir des GG. GG, c'est ça, fait. Mais toi, ça suffit, toi. Victoire respectée, Gérard, pour finir. Il a pété son stylo de rage. Je me fais tout le temps enculer. Mesdames, messieurs, je dis choqué, Rache est de retour. Révélation Fun Radio au standard. Oh, je gueule un peu, merde, vous me faites chier là. Oh, qui c'est qui est? Bon, Gérard, tu reviens un peu sur le débat là. Non, mais attends, je reviens là sur le débat. Attends, qui c'est qui a été leur dire que c'était la Saint-Gérard et que tout le monde devait appeler tous les amis? C'est marqué dans tous les calendriers. De la météo qui a dit que c'était ta fête. Hein. Ouais, qui c'est qui parle? C'est Julia. Qui? Julia. Ouais. La présentatrice de la météo a dit que c'était la Saint-Gérard demain, donc, enfin aujourd'hui. Ouais, bah, de toute manière, c'est marqué dans tous les calendriers. Hein, on a un con, avec un con comme moi, on s'amuse, avec un con comme toi, on se fait chier. Et la souris, là, je voudrais bien t'entendre un petit peu plus, toi. Bah ouais, mais s'il y avait un peu moins de bruit, ben. Bah voilà, bah maintenant, t'as moins de bruit, donc tu peux me parler. Bah ouais. Alors donc, pour répondre à la dernière question que t'as posée, ouais. Je pense que non. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on peut pas faire une conclusion. Il n'y a pas eu toutes les questions faites. Bah si, j'ai pas toutes les... la neuvième question, c'est pensez-vous que le cul est-il obsédé? Je réponds pas à la question. J'ai répondu. Non mais c'est bon les mecs, pour l'instant vous la fermez. Je voudrais te poser une question. Oh mais c'est bon, vous avez pas recommencé, vous allez laisser parler la souris qui veut peut-être me poser une question. Oui, justement Gérard, avec la souris, il y a Gérard qui veut intervenir. Donc je te donne la lantenne. Quoi, Gérard avec ton la frère, souris. Ton frère. Bah, attends, Gérard. Qui c'est ce connard en fait? Je m'appelle Gérard. T'es avec qui? Allô Gérard? T'es avec qui? C'est un auditeur qui vient d'appeler pour réagir et qui s'appelle Gérard, tout simplement. Gérard? Ouais, non, c'est pas qui? Toi, l'autre. Salut Gérard. Gérard. Non, mais allez, c'est bon. C'est bon. Je pense qu'on va mettre un CD. Gérard, j'arrive sur l'antenne et toi, tu m'écoutes même pas. Attends, tu sors d'où toi? J'appelle le Fun Radio comme tout le monde. Bah, il sort du même endroit que toi, c'est-à-dire d'une du vent. D'une poubelle, attends. Bon, oh, attends, ça c'est Henri. Non, pas du tout. Ça c'est Henri. Non, c'est pas Henri. Si, mais... j'ai reconnu sa voix. À cette heure-ci. Ouais, si. Si, je m'en doutais. Alors, il a menti au standard. Hein. Ouais. Non, mais c'est bon, Henri, j'ai reconnu ta voix. Hein. Écoute, je suis pas Henri. Si. Gérard. Comment? Connard. Ouais, je suis pas Henri, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, écoute. Ta gueule. Bah, c'est bon. La souris, qu'est-ce que tu voulais me poser comme question? Oui, j'aurais voulu savoir si tu étais obsédé par une fille en ce moment. Ah, là. Faut que je réponde comment? Avec ta bouche, si c'est possible. Par un oui ou par un non ou par un peut-être. David, reviens! Putain, ils vont pas me casser les burnes jusqu'à 4h du matin, là, merde! C'est vrai. Il y a une autre question, s'il te plaît. Bon, je voudrais répondre. Ouais, qui c'est là qui me repose? C'est Gérard. Oh! Tu la fermes un peu, oui! Gérard, t'es une loque humaine. Oh putain! Gérard, c'est Gérard! J'aimerais savoir si tu es obsédé par une fille en ce moment. Ouais. Ouais, Feuille d'Arrose, par Françoise. obsédé par sous quel terme quoi? Comment t'es obsédé? À l'heure actuelle. Il est obsédé par Fédéral. Non, pas à l'heure actuelle, à l'heure de demain. Mais à l'heure actuelle, pour l'instant, j'ai quelqu'un en vue, mais je n'aurai pas son nom. Ouais, mais c'est Feuille de Rose, mais elle n'arrive pas à se revenir dessus. Non, non, de toute manière, je ne vous dirai pas son nom. Tu l'as déjà vu? Ça qui c'est? Qui c'est qui vient? Julia, mais c'est pas un secret, je voudrais savoir si tu l'as déjà vu. Non, je ne l'ai pas vu encore. Tu n'as jamais vu sa photo? Non plus. Je crois savoir qui c'est. Qui? Parce qu'elle elle courrait pas à poil, enfin en maillot de bain rouge sur la plage. Non, pas du tout. Elle s'appelle pas Pamela Anderson, tu vois, tu trompes ton pote. Ah, d'accord. Arlette à Malibu. Non plus. Gérard, je pose une question. Gérard, ça serait pas Maïté qui fait de la cuisine un peu, non? Non plus. Alors allez-y, posez toutes allez-y, posez des questions, on peut continuer jusqu'à 4 heures, je m'en fous. Hein. Non, non, mais attendez, on pose des questions. Attendez, oui. Vous me posez des questions, mais je vous préviens sans vulgarité. D'accord. Alors, pour l'instant, stop. Gérard, c'est Gérard. Stop. C'est Michael. Gérard, c'est Tony, est-ce que tu peux commenter? Gérard, c'est Gérard. Gérard, c'est Julia. Je voudrais savoir si à la télé, il y avait quelqu'un qui t'obséderait un peu plus que les autres, une fille qui te plairait plus, pour savoir quel était ton type. Qui c'est qui me pose cette question? À la télé, pour l'instant, il n'y a personne à part Séverine Ferrer. C'est tout. Voilà, t'es renseigné? Séverine Ferrer? Oui. Ah, la trouve bien. Mmh. Gérard, comment t'as pris le fait que ton fils a triché à Interville? Bon, alors toi, je te préviens, je te répondrai pas. Je vais te poser une question. Oui. Est-ce que c'est bien toi que j'ai vu dans une cabine à Suresnes en train de te sodomiser, Carole? Gérard, c'est Michel. Est-ce qu'il paraît que la station merde c'est quoi ce cirque? La merde. Ouais, c'est quoi ce cirque, la musique? Gérard, c'est Michel, question numéro 55. Oui. Gérard, oui, la souris. Je voudrais savoir encore quelque chose. Savoir oui. Si dans ta vie, le sexe a une importance. Mmh. Oui. Ça saurait depuis. Oui, quel est ton genre de femme Carole souris. Je vous préviens d'une chose, que celui qui s'amuse à redire Carole, il va dégager avant les 10 minutes. Carole. Donc oh putain, il est rentré avec sa caméra. C'est quoi là? Tu l'as mis en route là, vous dites? C'est pas moi, regarde. La caméra de l'or. Donc, allez, c'est bon, je vais faire la conclusion. Comme il y en a un qui a voulu jouer avec le mot Carole dans ce cas-là. Celui qui a été dire ça, c'est pas malin de sa part, parce que de toute manière, Carole, j'en ai plus de nouvelles, donc c'est clair et net. Elle a une voiture, là, sur la A17, pareil. Alors attends, toi, mon pote, tu vois, sur la A17... Tu peux dire ce que tu veux, c'est Carole. Non, ben, tu la connais? Bien sûr. Ah, tu l'as vu où? Ah, ben, je l'ai vu, puis je peux te dire que j'ai fait un infarctus. Ah ouais, d'accord. Ok. Eh ben dans ces cas-là, la conclusion du débat sur les hommes obsédés, moi je vais la faire moi-même parce que comme personne veut la faire. Non, c'est le visiteur qui va la faire. Non. Oui, je reprends en antenne la souris. Bon, j'ai pas eu le temps de poser ma question. Non, mais de manière, je veux pas le savoir, donc on fait conclusion. Donc c'est bête parce que c'était bien parti, mais malheureusement, bon ben ça a chaviré au bout d'un quart d'heure et puis la caméra qui commence à me prendre la tête. Ça a insulté Françoise. Bon, bah, de toute manière, je te répondrai pas, donc je fais ma conclusion. T'as entendu? Je fais ma conclusion, d'accord. Ce qui est pas cool, Gérard, c'est que tu files les réponses aux questions, ça c'est pas bien, tu triches. Je t'ai entendu et je cite. Le débat de la semaine prochaine portera sur Fun Radio. Encore la différence. Sur Fun Radio et. On l'a pas déjà fait, ça? Non. C'est sûr? Non, on a pas fait le débat sur Fun. Gérard, il paraît que tu es pas sur Europe 1 le week-end. Non. Oui, moi, Gérard, j'ai des preuves. Je t'ai vu, j'ai des preuves, passé sur les cassins, et je cite, la différence qu'il y a entre Françoise et Annie Girardot, c'est qu'Annie Girardot est belle et intelligente. D'accord. Alors, si ça, c'est il y a les ovnis aussi la semaine prochaine. Voilà, sur les ovnis. Donc, est-ce que vous avez vu des ovnis dans votre vie? Mais alors, je préviens d'une chose que je veux pas. Roswell, c'est Tony, est-ce que je pourrais revenir? Non. Allez, ça sera terminé. Voilà, c'est terminé, donc on va quand même mettre le petit CD, un remix. Allez, c'est bon. Attends, mais c'est bon. on les retire là maintenant. J'ai plein de questions à te poser. Gérard, on n'a pas fait la conclusion là. Non, non, mais bon, alors Julia, fais ta conclusion vite fait. Bah écoute, j'ai trouvé que c'était un débat très intéressant. Absolument. Mais que tu n'avais pas répondu à toutes les questions qu'on devait poser. Absolument. Ouais, mais ça je ne pouvais pas répondre à toutes les questions parce que comme tout le monde gueulait en même temps, donc. Non, mais Gérard, t'as posé que trois questions. Non, non, mais maintenant je réponds plus aux questions, donc c'est la conclusion. Donc la conclusion, donc Julia, donc pour toi le débat. Bah écoute, j'ai trouvé ça intéressant, mais je trouvais que tu nous avais caché des choses. Hein. Bah, Gérard, il paraît que tu m'as encore des couches, ça c'est vrai. Comment ? Il paraît que tu m'as encore des couches. Non. Si. Julia, je t'ai caché quoi ? Il paraît que tu pisses encore au lit, Gérard. Arrête, s'il te plaît, merde. Merde quoi ? T'es chier quoi ? Non, tu m'écoutes pas, donc je sais pas. Si, je t'écoute, Julia. Je suis déçu, Gérard. Bon, voilà. Bah d'accord. Eh ben, tu fais comme tu veux. Voilà. Déçu pas ton bonne nuit. Roswell, je pourrais revenir sur le... Non, non, mais c'est bon, la conclusion, donc la souris, ta conclusion. Bah, alors, la conclusion, bah, c'est comme Julia. Bon, bah, le débat était génial, mais il aurait été mieux s'il n'y avait pas eu du brouhaha derrière, quoi. Mm-hmm. C'est pas cool. Ouais, baisse la radio, s'il te plaît, si tu l'as. Pour ta conclusion. Bon, il y a un moustique là. La caméra. Il y a une mouche, il y a une mouche. Bon, donc la petite souris se reprend en antenne comme prévu. Donc je vais saluer tout le monde maintenant. Vous avez... moi, je peux faire ma conclusion. Alors maniez-vous de faire la conclusion parce que j'ai envie d'aller dormir. Alpha, conclusion. Si. Vas-y Alpha. Il fume. Alors bon, Bon, ça va, non pour une fois, je trouve que c'était bien organisé, il n'y avait pas de bordel, en plus, c'était pas toujours les mêmes. Voilà, tu montes, c'est vachement sympa, quoi. Puis Gérard, il est vachement assuré, toujours aussi bureau, ça fait plaisir. Ça, d'accord, ok. Donc, les autres. Ouais, les autres. Mais de toute manière, vous repassez tous au standard. Hein. Tony, oui, mais on veut faire la conclusion. Tony. Allez, dépêchez-vous, là. Tony, est-ce que je peux faire ma conclusion? Vas-y. Donc, je sais même pas sur quoi porter le débat, c'était tellement le bordel. Bon, bah d'accord. Et en plus, j'avais pas d'excuses parce que j'ai fumé cet après-midi. Ouais d'accord, si t'as fumé mon pote. J'avais peur que, parce qu'il y a des castors volants avec des ailes de vautour là. D'accord, c'est bon, bonne nuit. Allez, bonne nuit à tous, vous allez retrouver. Non. Terminé. Terminé. Je veux pas savoir. Terminé. Qui c'est qui parle là? C'est Julia, moi je veux. Des castors volants. Allez, c'est bon. Ah bah attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut faire la conclusion. Non, mais depuis tout à l'heure, ils n'arrêtent pas et je comprends rien du tout. Karine. GG, on a une surprise. Il y a quelqu'un qui aimerait intervenir pour la conclusion du débat. Bon, oh, d'accord. Allô? Oui, bonsoir, c'est Caramel. Ouais, bah, Caramel, bonne nuit. Bonsoir, Caramel. Bonne nuit, Caramel. Il n'a pas fait sa conclusion, mais il a même pas participé au débat, il va pas faire une conclusion. Si, si, il a le droit. Mais il a écouté, Alors, moi, j'ai écouté. Bon, alors, accouche. Alors moi je voulais dire parce que on a parlé du pont de l'Alma. Alors moi je tenais à dire. Non bah alors là c'est bon. Il faut savoir que là dehors. Dans le mondial actuellement avec Elton John. Non là dehors. Gérard, attends, j'ai pas besoin de chanter. Non, tu dégages Caramel, je veux pas entendre ça. S'il te plaît, Gérard. Non. C'est bon, Caramel, bonne nuit. S'il te plaît. Bonne nuit à tous. Je vais vous expliquer. Bonne nuit à tous. Alors vous allez retrouver Morgane. Vous allez retrouver Morgane. Terminé. Moi, je voudrais parler deux secondes. Nana, c'est terminé. S'il vous plaît. Je parlais. Karine, il faut me laisser parler. Non, c'est pas Karine. Pour l'instant, c'est moi. Karine. Nana, c'est terminé. Pour l'instant. Moi, je voulais dire que, en question d'obsédé, quelque chose d'obsédé, c'est la grosse Christine sur le pont de l'Alma. Eh ben alors, Caramel, tu dégages, bonne nuit. Ça t'apprendra. Bonne nuit. Bonne nuit à tous, vous allez retrouver Morgane pour la nuit sans pub. 6h. C'est bon, tu me l'apprends tout ça. Allez, c'est bon. Hop. La grosse Christine. Eh, c'est bon. Bah, je veux pas avancer. Caramel. Avec Caramel. Femme à lunettes, femme à caquette. Il est parti. Gérard, reviens. Ah, il le prend. C'est que t'es un pauvre con. Attendez, parce que Gérard prend au téléphone Caramel. Vas-y, passe lui Caramel. Attends, je te le passe. Passe lui Caramel. Là, il est là. Voilà. Allô? C'est toi qui s'amuse à insulter les gens comme ça? Corculé. À l'antenne. Ok, bonne nuit. C'est bizarre, il n'y a plus personne. Gérard, je peux faire ma conclusion? Ouais. Ça t'amuse à insulter les gens comme ça en direct? En direct? Mais tu t'excuses, et ben maintenant tu vois, c'est terminé pour toi. Au revoir. Et voilà. En direct? Tu veux apprendre le français correct? Allô? Allô? attends, quitte pas que je te reprends. Ça, c'est dégueulasse. Ah, merde. Oui. Ah, oui. La grosse Christine sur le pont de l'Alma. Oui, mais je te reprends après. Souris, je finis la conclusion parce que pour l'instant, ils arrêtent pas de me dire. Ok, à tout de suite. C'était Caramel à l'appareil. Gérard, il y a Caramel à l'antenne. Gérard, ouais, putain, mais merde. Gérard, je voudrais parler en antenne à Gérard, là, tout de suite. Mmh. Allô. Allô. Allô. La grosse Christine. Bon, tu te réveilles un peu, toi. Sur le pont de l'Alma. Je vais parler à Gérard en antenne, là, ensuite. Elle va te faire foutre. Je vais parler à Gérard. Oh, ben Dieu, c'est bon. Gérard, c'est Caramel à l'appareil. Allô. C'est Feuille de Rose. Ouais. Ouais, alors encore toi, va te faire foutre. Gérard, je vais te parler en antenne tout de suite, en direct. Allô. Allô. Ouais. Ouais, je t'encule. Ouais, je dis à qui pas. Allô. Gérard. Ouais, va te faire foutre. Depuis que tu le mets, hein. Allô. Ouais.